allait peut-être mourir là-bas sur les bancs pour des morues, pour des harengs. Va dans la bande, il joue. France au présent. T'es déguisé, t'es maquillé et t'as picolé. Te blaster sur le point de partir. Cap sur l'Islande, pense au flétant. Présent, t'as un gros derrière.